merde, mais qu'est-ce que tu fous là, mec? Je t'ai vu grandir, je t'enviais depuis tout petit. Qu'est-ce que tu fous là? Lève-toi, lève-toi. Je t'ai vu grandir avec la hargne, trop d'ons et de force. T'étais le monde rêvé d'une mère, tout de suite à bomber le torse. Cette putain d'étoile a décroché la gloire ou la lune, a écrasé la trouille, le stress, faiblesse et lacune. Un génie à l'école, pour tous les profs, c'était lui l'idole. J'ai vu ses ambitions s'éloigner du sol et sa vie qui décolle. Avoir le pouvoir de maîtriser toutes ses facilités, en toute sincérité, à pulvériser ses capacités. Un avenir tracé dans les hautes sphères, une atmosphère qui donne de plus en plus de monde à devoir satisfaire. A recouvert son univers avec des billets verts ouverts, trop d'inconnus sont devenus ses frères. L'histoire d'un grand homme drivé par la gloire, histoire de celui qui avait tout pour graver nos mémoires, histoire du prix à payer quand t'as goûté la victoire, sa propre histoire figée par la rançon de la gloire, histoire d'un grand homme drivé par la gloire, histoire de celui qui avait tout pour graver nos mémoires, histoire du prix à payer quand t'as goûté la victoire, sa propre histoire figée par la rançon de la gloire. T'étais au top man, guessing back au top man, bad end. Sois disant tes putains de potes, la naïveté t'a bandé les yeux sur la vérité. T'as pas vu ton argent partir en fumée sans modalité. Plongé dans ce milieu de la nuit où les rats rôdent, tous planqués derrière ces jolis couloirs d'émeraude. Noyé par ce mélange d'odeurs de parfum, la beauté, la classe de ces femmes éblouit les faibles à devenir larbin. J'ai vu que t'as pris goût à l'alcool depuis le pactole. Goût à cette poudre, j'ai vu ton zen raser le sol. On se connaît pas mais je t'observe depuis un bail, tu sais. C'est bien chez toi que le diable a dansé. D'un grand homme drivé par la gloire, histoire de celui qui avait tout pour graver nos mémoires, histoire du prix à payer quand t'as goûté la victoire, sa propre histoire figée par la rançon de la gloire, histoire d'un grand homme drivé par la gloire, histoire de celui qui avait tout pour graver nos mémoires, histoire du prix à payer quand t'as goûté la victoire, sa propre histoire figée par la rançon de la gloire. Si on m'avait dit que je te recroiserais là dans le trou, mais la gueule boursouflée avec un carton écrit, donnez-moi à manger, mais qu'est-ce qui t'a pris à te laisser aller taver le monde à tes pieds? Toi tu passais partout, toi t'es batté dans le meuse des métiers. Pour être honnête, c'est que j'ai failli passer sans trop connaître. On dirait un squelette avec une barbe de Père Noël à la retraite. T'as mon âge, merde, et le moral d'un gars qui a pris perpète. À dire je regrette avec des pièces dans ta barquette. Est-ce que la roue tourne aussi sec pour n'importe qui? Malgré ce qu'on a, est-ce qu'on doit se dire que rien n'est jamais acquis? Qui a la force de passer du meilleur au pire? À dire ça n'arrive qu'aux autres ici, nous on assure notre avenir. D'un grand homme drivé par la gloire, histoire de celui qui avait tout pour graver nos mémoires, histoire du prix à payer quand t'as goûté la victoire, sa propre histoire figée par la rançon de la gloire, histoire d'un grand homme drivé par la gloire, histoire de celui qui avait tout pour graver nos mémoires, histoire du prix à payer quand t'as goûté la victoire, sa propre histoire figée par la rançon de la gloire, histoire d'un grand homme drivé par la gloire, histoire de celui qui avait tout pour graver nos mémoires, histoire du prix à payer quand t'as goûté la victoire, sa propre histoire figée par la rançon de la gloire, histoire d'un grand homme drivé par la gloire, histoire de celui qui avait tout pour graver nos mémoires, histoire du prix à payer quand t'as goûté la victoire, sa propre histoire figée par la rançon de la gloire.